En Corée, est mis au point le bioactivant nutritif naturel PON101, beaucoup efficace pour l'agriculture, les plantes d'arbres, l'aviculture et la pisciculture. À partir de différentes plantes, le produit permet de s'enraciner profondément contre la sécheresse, le froid et l'humidité, la haute température, la pluie et le vent violent et les maladies. Il favorise encore la croissance du rendement par unité de surface sur la terre infertile et dans les régions salines ou influencées par le taux d'insolation bas.